Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter Al-Minhajiyatu Sahihatu fi Talabil Ilmi, la méthodologie correcte pour étudier la science. Un cours donné par le frère Munir Al-Maghribi Hafidhahullah Ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Salafiyyat bi Damaj au Yémen. Cours numéro 2. Nous demandons à Allah Subhanahu wa Ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنكمل هذا الموضوع المهم المنهجية الصحيحة في طلب العلم La méthodologie correcte pour étudier al-ilm. Al-ilm al-shar'i. Dès qu'on parle de l'ilm, c'est l'ilm al-shar'i. Wa ams taqaddam ma'ana mas'alat an-niyyah wa ikhtiyar al-mu'allim الصالح السني السلفي واليوم نأخذ مسألة التدرج أو التدريج والتدرج أي أخذ العلم شيئا فشيئا تدرج أي إتاب بار إتاب بتيت بتيت التدريج وهذا مهم كما تعلمون قال الله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قال عز وجل ولكن كونوا ربانيين الإمام البخاري رحمه الله لا يكفي هذه الآية فقال الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره سساء الرباني عليكم السلام ورحمة الله الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره فهذه الآن أصل لباز في التعليم بنص القرآن وفهم العلماء أن si tu veux étudier العلم الشرعي tu commences petit à petit comme on a expliqué أمس العلم c'est pas une chose فقط لا on avait lu كلام ابن عبد البر أن العلم مراتب ومناقل ورتب فالآن طالب العلم يبخو الأسهل فالأسهل يكمونس par le plus simple يكمونس par les petits livres وهكذا petit à petit حتى بإذن الله يصل إلى المقصود ويمثلون العلماء كشيخ العثيمين رحمه الله يمثلون بالسلم Ou les escaliers, ou une échelle. Si tu as un immeuble à plusieurs étages, tu ne peux pas, Hagada, t'arrives au dixième étage, Mubashara, sans passer par le premier, par le deuxième, par le troisième. C'est ça l'asr. La personne, maintenant, il monte les escaliers ou l'échelle, premier étage, deuxième étage, troisième étage, qalil, qalil, hatta il arrive ila masha'Allah. هذا هو التدرج et celui qui a un khalal في هذا الباب tu trouveras il aura un khalal في طلبه وفي علمه il aura un ضعف il aura un ضعف كبير قال الإمام الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب رحمه الله أبو بكر من أئمة التابعين إلى معروف يمر معنا كثيرا في صحيح البخاري صحيح مسلم قال رحمه الله يا يونس بن يزيد الأيلي من تلاميذ الإمام الزهري الآن الإمام الزهري يونس قال يا يونس لا تكابد العلم فإن العلم أودية فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه ولكن خذه مع الأيام والليالي Il explique à son élève que c'est un océan. Si tu viens à Hakada, tu plonges directement, tu ne commences pas par le début, il a akhiri, tu vas te faire du mal. Hada l'ilm, il va t'user. Amma l'an, l'imam Zuhri, il conseille son élève, « Walakin khudhu ma'al ayya wal layali » jour après jour. Prends l'exemple du Coran. Tu ne peux pas prendre le Coran en un jour. Là, petit à petit, tu commences maintenant surat al-Nas, juz amma. Après, tu finis, après, juz tabarak. Il a akhri. Petit à petit, tu trouveras jour après jour, nuit après nuit, un an, deux ans, بإذن الله لا بيرسون اللي حافظ القرآن لا بد من التدريج. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال ابدأ بصغار الكتب وتأملها جيدا ثم انتقل إلى ما فوقها. سسا المنهجية الصحيحة الميثودولوجي كوغيت الآن سسا ابدأ بصغار الكتب. لا شك أن الكتب ils sont pas tous au même niveau les livres. Tu trouveras des petits livres, des livres qui sont mukhtasar, qui sont courts, résumés. Tu trouveras des livres mutawassita, matalan un mujallad. Tu trouveras des livres al-kutub al-kibar. Tu trouveras 3 mujallad, 4, 5, 10. Talib ilm, il commence par le résumé. Thumma yantaqil yantaqil hatta بإذن الله يكمبرندرا لي غرو ليف. اما ديريكتومون هكذا يفتح الكتب الكبيره يكمبرندرا با ابدا. قال رحمه الله حتى تحصل على العلم شيئا فشيئا على وجه يرسخ في قلبك وتطمئن اليه نفسك. سي سال مطلوب لان العلم انت لا غوت لي لون في طلب العلم. فسي تو برون قليل قليل كما قال شيخ ابن تيميه العلم يرسخ. Aïs ilm, il va s'enraciner dans ton cœur. Maintenant, le mukhtasar, tu auras compris des règles. Fikada, fikada, fikada. Thumma, tu passes à un autre livre. Thumma à un autre. Là, ce ilm, il va s'enraciner. Léana, tu vas avoir une base. Et à chaque fois, tu vas rajouter sur cette base. Amma, baalouk, directement des gros livres. La personne, il n'a pas de usul. Il va arriver à une étape, il ne sait plus. Il ne sait plus où qu'il est. هذا يحصل كثيرا يحصل كثيرا جدا. فإياك إياك أيها الطالب التخبط. إياك tu vas perdre du temps جدا tu vas regretter. فخذ العلم قليلا قليلا. هذه الآن ce qu'on lit c'est de نصائح de علماء أئمة. Ils sont passés par là. Tu crois que Cheikh Ibn Uthaymeen il est devenu faqih al-umma hakada du jour au lendemain? أبدا. C'est un طالب comme toi. لكن رحمه الله الاستمرار الاستمرار الاستمرار c'est devenu faqih al-umma رحمه الله في هذا الزمن. فأون profite نحن نصائح هؤلاء. وروي عن أبي جعفر رحمه الله أنه قال cette histoire qu'on va lire أبو جعفر مع الإمام أحمد أهل مهمة أهل مهمة لأن الآن هؤلاء يفوا partie de السلف. Et tu vas voir l'importance qu'ils donnaient au ilm et au fait de commencer par les choses importantes. Tu commences par le début. قال أبو جعفر دخلت على أبي عبد الله أي أحمد بن حنبل الإمام فقلت أتوضأ بماء النورة. الآن أبو جعفر سأطالب علم. الإمام أحمد معروف إمام أهل السنة. الآن سأطالب إلى بوكوت كيستيون. وهذا سحال كثير من الطلاب أن في بداية العلم تبوكوت كيستيون ليس نغمال لأن تطلب العلم أو تأديبه. فلا شك تبوكوت كيستيون دون الوضوء دون الصلاة دون المنهج دون العقيدة دون الحديث دون الفقه تبوكوت كيستيون. Si tu ouvres les portes à ces questions et tu ne te lèves pas l'ilm, tu vas perdre ton temps. On dirait هذا الآن. أتوضأ بماء النورة. النورة معروف. نورة, le plâtre. فالآن, هو يدمد est-ce que je peux faire l'eau d'eau avec cette eau. ماء النورة. ثم vous allez voir. Il va contracter plusieurs questions. لأن الآن si tu n'es pas un طالب علم et tu n'as pas étudié مثلا باب الوضوء, tu vas avoir plein de questions. Est-ce que je peux faire l'eau d'eau avec le ma nora? Est-ce que je peux faire l'eau d'eau avec le laban? Avec un jus de fruits? Avec tu t'arrêtes plus. Tous les liquides qu'il y a sur terre, tu vas te poser la question. Tu aurais la règle. Si l'eau d'eau, tu n'as plus besoin de te poser ces questions. Tu sais c'est quoi l'eau qui est permise pour l'eau d'eau? Al-ma' al-tahour. Tu sais que tout ce qui est sorti min kawnihi ma' mettre un jus de fruits. C'est pas de l'eau. Je peux pas faire le dos avec. Walou c'est un liquide. Walou il est pur. Les anas c'est plus de l'eau. Al-laban kadhalik c'est pas de l'eau. Lakin, on verra hada talib, les problèmes qui va se poser là. Et tu vas voir la solution de l'imam Ahmed. Qala l'imam Ahmed, après qu'il lui ait posé la question, tawadda bima an-noura, qala l'imam Ahmed, ma uhibbu dhalik. L'imam Ahmed lui a dit, délaisse hada. Ma uhibbu dhalik. L'imam Ahmed, il lui a dit, j'aime pas ce genre de choses, autre. Et anta ta'ammal. Ta'ammal an. Pourquoi ce genre de question elle est posée alors qu'il y a de l'eau? Maintenant, tu es dans l'endroit où il y a de l'eau. Et tu as, maintenant, du lait, ou un jus de fruits, ou ma noura, ou du parfum. Ou... C'est pas min al-adab ou min al-manhajiyya sa'iha que tu te poses toutes ces questions et il y a de l'eau. Léana, l'eau, le fa'ida, fais l'eau avec l'eau, t'as. Amma, toi tu vas venir poser ma noura, le deuxième il va venir, on s'en sort plus. On va chagrin le alim et on va perdre du temps nous. Fafiyad al-hal, al-nasiha, c'est que vous. La personne il se préoccupe pas avec des questions ba'id. Léana, si on ouvre le bab aux, les bab aux questions, on est là encore demain. On prend Wallah, mais salat l'eau, on est là jusqu'à demain. Et il va demander kada, kada, kada, kada, kada. Allez, al-fa'ida. Al-fa'ida, si tu poses une question, c'est pour appliquer. Amal an, cette eau, on la délaisse et puis. Cette question, tu te la poses, si tu te retrouves dans un endroit, il n'y a que cette eau. Et il y a un alim avec toi, tu lui demandes là. Ben. Qala, qultu. Abu Ja'far, il continue. Atawadda abima al-ward. C'est comme un parfum. Je ne sais comment il l'a traduit. L'eau de rose. Ça se dit l'eau de rose. Ah, allez, l'eau de rose. Chouf l'an. Il ne s'arrêtera plus là. Qala l'imam Ahmed, ma uhibbu dhalik. Thumma, une autre question. Daiman sur l'eau d'eau. L'imam Ahmed, rahimahullah, cette personne, qama, fa qumtu. Aïe, Abu Ja'far, il s'est levé. Il voulait partir. Qala fa. تعلق بثوبي اي الامام احمد il a rattrapé par son qamis لان الامام احمد c'est un imam il sait que cette personne الان il va perdre du temps قال الامام احمد اي لابي جعفر ايش تقول اذا دخلت المسجد شوف une question الامام احمد الان tu vois la différence entre la question de l'imam احمد c'est un imam et la question de ابو جعفر c'est encore un طالب علم الامام احمد الان il lui pose cette question لماذا لان la mosquée tu rentres 5 fois par jour Fajr, Dohr, Asr, Maghreb, Isha. 5 fois par jour. Qu'est-ce que tu dis quand tu rentres? Amma, ma, al-ward, wa ma, al-noura. Peut-être que c'est des situations que tu n'auras jamais. Une personne, il demande, est-ce que je peux faire l'ourdeau avec de l'essence? Ya akhi, peut-être que c'est une situation, tu l'auras jamais. Délaisse, ça va te mettre un doute peut-être. Peut-être que tu vas la poser la question, tu n'auras pas de réponse. Mets ces questions de côté. Tu n'as pas besoin de toutes ces questions. Lakin, chauffe la question de l'imam Ahmed. Mada taqul ida dakhalta al-masjid? Qu'est-ce que tu dis quand tu rentres au masjid, tu rentres 5 fois par jour? Amma, cette question que tu m'as posée, c'est dans tes pensées. Faqat. Qala Abu Ja'far. Ou, na'am, fasakattu. Abu Ja'far, il s'est tu. Il ne savait pas quoi dire. Il n'avait pas la réponse. Chauffe. Al-shaytan dès qu'il est baissé à l'antalib. Il s'est posé beaucoup de questions qui n'ont pas une grande utilité pour lui. Et une chose muhimma pour lui, 5 fois par jour, il ne sait pas ce qu'il dit. Qala l'imam Ahmed. Deuxième question. Ech taqul ida kharajta min al-masjid. Deuxième question. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu dis quand tu rentres. Qu'est-ce que tu dis quand tu sors du masjid? Si tu rentres 5 fois au masjid, tu sors 5 fois. Fasakattu. Abu Ja'far, il n'avait pas la réponse. Qala l'imam Ahmed rahimahullah. قال اذهب وتعلم هذا لما احمد الى ابو جعفر باخ صح اي با ابرند سا qu'est-ce que tu dis quand tu rentres au masjid quand tu sors adkar as-sala adkar an-nawm ta'qida avant tout tawhid apprends tout ça et délaisse qu'est-ce que fulan délaisse هذه الامور l'imam ahmed الان tarbiya il éduque ce talib il lui montre anna tu commences par l'aham. Ben c'est pour ça que nous on insiste sur tadarruj. Ma balou quand tu connais pas ta aqida, tu connais pas peut-être ma'na la ilaha illallah et fulan qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que je peux aller là? Est-ce que je peux faire là? Des choses qui n'ont rien à voir avec toi. Badanas matalan, vous avez déjà vu, ils ont perdu un temps ajib dans certains ingrédients. Vous avez déjà vu Adil Umour. Shaitan yu labis alayhim. Wallah wa'ad l'ikhwa des années. E-402 c'est halal. E-300 c'est haram. Et hakada. Hakada. Il sait même pas où a, moumkin, des usul fi aqidatihi, il les connaît pas. Wa yu shagil nafsa fi hada wa fiad. Akhi, si t'as des choubah truc, t'as des doutes truc, et mange le halal al-wadih. Et on n'en parle plus, hada. Amma, notre vie, elle est fi hadil Umour, on va perdre du temps. Et ça, c'est min talbis iblis. Wa min wasawis al-shaitan, alayhi la'natullah. راجع القصة في سيارة علم النبلاء قصة الإمام أحمد رحمه الله قال الشيخ العثيمين رحمه الله كثير من طلبة العلم تجده يحفظ مسائل كثيرة لكن ما عنده أصول C'est ça l'an. C'est là la différence l'an entre un talib ilm et un ami. L'histoire qu'on a vue avec l'imam Ahmed, matalan, tu le trouves avec des awam. Tu trouves des awam, ils ont du ilm dans certaines masail. Matalan, dans salat, il connaît des choses. Dans le wudu, il connaît des choses. Il a écouté une cassette, il a écouté une khutbah. Lakin, il n'a pas d'usul. Si tu le fais sortir de ce qu'il connaît, khalas. Ismaïla, quand j'ai regardé l'imam, قال لو تأتيه مسألة واحدة شادة عما كان يحفظه ما استطاع أن يعرف لها حال حالا أو حلا كان حلا رجل حالا ما يستطيع أن يعرف لها حلا Ça c'est le résultat de celui qui ne tlabba l'ilm comme il faut. كما قال شيخ العثيمين tu trouves بعض الشباب des personnes مثلا il a lu une petite risala dans Kada Tu vas trouver là des ma'loumats. Léna, il a lu la risala. Il a écouté maintenant une khutbah sur le wudu. Il aura des ma'loumats s'il a compris la khutbah. Mais si tu le fais sortir de ça, khalas, il ne sait plus comment faire. Ça, ce n'est pas un talib ilm. Un talib ilm, comme Aqash ibn al-Taymin, c'est celui qui connaît les usul. Usul al-ilm. Maintenant, dans Tahara, il y a des usul. Il sait, lui, que l'eau, si elle change son goût, sa couleur, en son odeur, avec une najasa, il sait que cette eau, tu ne peux pas faire l'eau d'eau avec. C'est une règle. Tu peux lui emmener ce que tu veux, maintenant. Matalan, l'urine, l'eau qui a une odeur d'une najasa, les excréments, tout ça, ouais, elle est une qaïda. L'eau, si elle change son goût, sa couleur, en son odeur, avec une najasa, tu ne peux plus faire l'eau d'eau. C'est une règle. C'est une règle. Hakada dans Tawhid, il a des règles. Il sait que tout ce qui est adoré, adoré en dehors d'Allah, c'est du shirk akbar. Wa'abudullah, wa la tushriku bi shay'a. Si tu lui poses la question, Foulan l'adore une pierre, c'est un mushrik. Foulan l'adore un habit, shirk akbar. Foulan l'adore une tombe, shirk. Foulan l'adore le soleil, shirk. Il a une règle, huwa. C'est ça l'ilm. C'est que tu apprends ces règles et après, tu fondes ton ilm sur cette règle. Petit à petit, petit à petit. Amma tu trouves, sahih, wa'ad al-nas, peut-être qu'il a lu une risala matalan sur, on va dire, sur siyam. Peut-être qu'il aura plus de ma'loumat que sur toi, sur ce bœuf. Lakin, toi, t'es un talib et lui, c'est pas un talib. Et en a toi, t'as des usul. Lui, si on le fait sortir de ce risala, il peut plus. Et min hada al-bab, il vient de taqlid. Min hada al-bab, al-taqlid. Mathalan, je le trouve beaucoup, fil fitan al-hasila. Il a entendu Mathalan, Shir Foulan, il critique Foulan. Un autre, il addal. Au contraire, il dit que Foulan, c'est un sunni, Foulan, kada. Vu qu'il n'a pas de usul, il ne sait plus quoi faire. Un jour, il écoute le Shir Kajra, il est avec lui. Deuxième jour, un autre Shir, il dit le contraire, il ne sait plus comment faire. Léana, il n'a pas de usul. Il aura un asl, ça sera un talib ilm. Il saurait que si deux savants, sunni, un critique et l'autre ne critique pas, il sait que la critique elle passe avant. C'est un talib ilm. L'un il sait que le alim sunni, s'il a critiqué, c'est qu'il a vu des choses que le deuxième, il n'a pas vu. Le deuxième, peut-être, il dit c'est un frère ou un cheikh, il est tayyib, il est à la khayr, ce qu'il connaissait avant. L'autre, il l'a critiqué, il a des preuves comme quoi il s'est garé. T'es un talib ilm, wallah, walaw dunya. Walaw dunya, elle dit que c'est un sunni, et un, il montre avec des preuves que c'est un munharif, que c'est un égaré, tu reviens aux preuves. Ça ne te fait aucun mal. Il y en a, t'es un talib ilm. Amma al-muqallida, c'est pas des tollabs, ils ont passé au sol, halas. Un cheikh, il dit ça, un deuxième, un troisième, il dit moi, je comprends plus rien. C'est normal, tu comprends plus rien, t'es pas un talib ilm. Tu seras un talib ilm là, tu comprends. Ma dalil, t'as dit que Foulan c'est un hizbi, Foulan c'est un munharif. C'est quoi ton dalil? Il te cite des dalils, il a fait kada, il a dit kada. Foulan il témoigne, il a vu faire kada. Il a akhir. L'autre, on lui demande, tu dis qu'il est à la khair, c'est quoi ton dalil? Il dit, là, j'ai vu que du khair, khalas. Tu reviens à celui qui a critiqué, il dit, Anna, il a des preuves. C'est ça l'ilm, ya jama'a. Et ça, dans tous les abouab, dans le fiqh, nous, on a donné l'exemple, هذا لأنه يحصل كثيرا. Ah, mais dans tous les abouab, c'est hakada. فالعناية العناية بأصول العلم كما قال شيخ ابن تيمين قال رحمه الله قال وعلى طالب علم وعلى طالب العلم أن يبدأ العلم شيئا فشيئا petit à petit. Quand il dit, c'est quoi le début? On dit souvent, nous, chez un, chez un. Une personne, elle peut demander, je commence par quoi? Ça dépend de la matière. Maintenant, dans l'aqida, tu commenceras par l'um'at al-i'tiqad, ou al-wasitiyya, les gens de l'islam. Dans le fiqh, tu commenceras peut-être par umdat al-fiqh, l'ibn Qudama, ou minhaj salikin, les sheikh Sa'di, ou hakada. Anta, dès que tu commences, tu poses la question. Avant de commencer, tu poses la question. Maintenant, tu veux apprendre à tajwid. Tu demandes. Tu appelles un shir, tu lui demandes, Allah, j'ai étudié tes juifs, qu'est-ce que tu me conseilles, par quoi je commence? Tu lui montres, j'ai aucune base, Allah, je ne connais pas Zain, je suis débutant. Il va te dire, tu commences par Tuhfat al-Atfal, tu commences par Kada, tu commences par Kada. Hada. Hada. Nous, on ne va pas détailler toutes ces matières, tu commences par quoi? Ça, tu demandes, et dès que tu es rentré, maintenant, tu commences un dars avec un mudaris, dès que tu as fini le kitab, tu lui demandes. Maintenant, tu as fait usul talat avec un mudaris, vous avez fini. Si tu as compris, le mudaris, il sent que tu as compris, il voit que tu as compris, ben ouais, il va t'orienter vers le deuxième dars. S'il oublie, tu lui demandes, ya sheikh ou ya akhi, on a fait usul talat, qu'est-ce que je fais là? Lui, il va te dire, fais qawaid arba. Dès que tu as fini qawaid arba, fais usul sita. Tu as fini usul sita, fais kitab tawhid, ou qablahu l'wajibat, ou hakada, jusqu'à que tu arrives, bi'idnillah, tu arriveras à un niveau, bi'idnillah, tu comprendras tout seul. Tu arriveras à un niveau, bi'idnillah, avec le mutala'a, avec l'expérience que tu auras, tu sauras par quoi il faut commencer, par quoi il a. Lakin au début, la personne ne sait pas. Au départ, la personne ne sait pas. Fabien Adelhal, il demande. قال الشيخ ابن عثيمين قال تبدا في الاصول والقواعد والضوابط وما اشبه من المختصرات مع المتون لان المختصرات سلم الى المطولات الان انت سي كوم اون شيل ليكزامبل كون ا دوني تو كومونس بار لي بيتي ليف اي سي بيتي ليف سا فا اتر ان ليان او سا فا اتر ان مويان داريفي او ليفر كي سون بلو لارج كي سون بلو واسع. Voilà, jusqu'à ce que tu arrives, tu atteins un niveau, inshallah, tu seras à la khayr. Prends l'exemple maintenant de Qawaid al-Muthla. C'est un kitab azim, jiddan. Qawaid al-Muthla, les chers al-Azimine, alayhi rahmatullah, c'est des qawaid, c'est des règles. Fils sifat, Allah azza wa jal. Fils asma wa sifat. C'est des règles. Tu vas trouver l'ilm al-Aqidah, tu as plusieurs livres vihada. الآن الليف دو شيخ ابن عثيمين سيدي قواعد كم إلا أبولي القواعد المثلى الآن une personne qui a pas étudié ce livre مثلاً et directement il lit مثلاً كتاب الشريعة للآجري رحمه الله أو أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي مثلاً dans ces gros livres tu vas voir que eux ils parlent أولاً يا إسناد حدثنا فلان فلان اي باتسيتي دي شوز الجهميه المعتزله سي انت تا با كومبري الاصول tu sais pas de qui il parle هو اصلا سي تا لي ريغل انت قاعد متلا هو va t'expliquer c'est quoi les règles dans les صفات التعطيل c'est quoi التحريف c'est quoi التفويض c'est quoi et il te montre tu vas arriver inshallah au gros livre t'as compris انت t'as des règles tu sais que dès qu'il dit معتزلي tu sais il parle de qui. Tu sais, il parle de qui? Al-Jahmi, tu sais c'est quoi Al-Jahmi? Al-Tafoui, tu sais c'est quoi Al-Tafoui? Amma hakada, tu rentres dans les livres, t'as pas de usul, ou al-Iyadu Billah, c'est un bab d'égarement. Wallah al-Musta'an. Fan-Nasiha, les At-Tullab, ou les Mudarrisin, ce qui commence, Qalil Qalil, Al-Rifq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ça c'est min bab al-rifq, la douceur, fil ilm, petit à petit. Al-mudarris, c'est lui qui a la responsabilité. Mais un talib miskin, le débutant, il ne sait pas. Un dars il ouvre, il vient et tu lui fais n'importe quel livre, il aime l'ilm, il veut assister. On conseille ceux qui donnent des doros, ils appliquent cette tariqa. ils appliquent cette tariqa, elle est unfa'la ou elle est tollab. C'est plus profitable pour lui et aux frères qui assistent au cours. Qala al-allama Siddiq Hassan Khan, rahimahullah, fi abjad al-ulum, qala talqin al-ulum lil-muta'allimin innama yakun mufidan idha kan ala al-tadrij shay'an fa shay'an wa qalilan fa qalilan. C'est ça si tu veux le fa'ida. Si tu veux le fa'ida, tu veux que le cours soit profitable petit à petit. Petit à petit, on commence par les petits livres et petit à petit, hatta yaftah Allah. كذلك تعلمون أن العلم منه مهم ومنه أهم. العلم يا دي شوز العلم أوتي de la langue arabe jusqu'au tawhid, tout ça c'est important. Lakin il y a des matières, elles sont plus importantes que d'autres. Talib ilm, il commence par l'aham. Par l'aham. Et là, on va citer trois choses pour nous. Talib ilm, on a besoin de trois choses quand on commence. Khasatan nous, on n'était pas dans un pays arabe. On vient de France, d'Europe, de Kada. Trois choses à rakiz alayha. أولاً القرآن. قال عيسى السلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ساس أفضل العلوم وأنفع العلوم. القرآن. فكمنس بع القرآن. كمنس بع القرآن. في des efforts. كمنس بع جزء عما. إن شاء الله c'est la capacité tu continues. على كل حال tu fais des efforts. Est-ce que tu vas l'apprendre complètement ou pas? ذلك فضل الله يوتيه ما يشاء. Fais des efforts en ta bas. Est-ce que tu vas finir ou pas? Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Al-Muhim commence par le Coran. Mais on voit avec le talaba qu'annahu il n'est pas hawl le Coran. Qu'annahu il n'est pas concerné. Il est sable l'ilm, mais le Coran là il n'a aucun waqf le Coran. Ça c'est un khata kabir. Le Coran c'est kalam Allah. T'as pas le droit en tant que talib de le délaisser. T'apprends et tu sammes. Tu sammes avec un arc qui te corrige et petit à petit. Deuxième chose, al-lugha al-arabiyya. C'est pour ça qu'on a précisé tollab qui ne sont pas arabes. Amma les arabophones, là, ben, il pourra comprendre l'aqida, il pourra comprendre des choses. Voilà aussi, il ne connaît pas certaines règles de l'arabiyya. Liyanna al-fahmillah, il comprend. Amma al-a'ajim, rubbama il ne comprend pas l'arabiyya. Rubbama des mots tout simples, ouais, il ne comprend pas. Fa yajtahid fil lugha. Ça te fait deux choses, al-Qur'an ou al-Lugha. La langue arabe elle est vaste. Al-Nahu, al-Sarf, al-Ta'bir, al-Mufradat, al-Balagha. Moi, yajtahid, le but, c'est quoi? C'est qu'il comprenne les durus qu'il va apprendre. Là, nous savons que les durus, la plupart d'entre sont en arabe. Tu ne trouveras pas toujours un frère qui te fait en français, là. Même nous, les durus qu'on fait, on essaie de mélanger français et arabe, hatta tastafid, et le but, c'est que vous étudiez bil lugha al arabiyya faqat. C'est ça le but. Fa hada fajtahid fil lugha al arabiyya. Amma toujours en français tu auras un da'f. Lanna al Qur'an il est bil arabiyya, sunna il est bil arabiyya. Les savants ils sont des arabes ou ils parlent la langue arabe. Fa si tu veux profiter, t'as qu'un moyen, c'est la langue arabe. Troisième chose, at tawhid wal aqida. Lanna الله سبحانه وتعالى اتكخي لذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنا أشكون سيدي فخير اجتهد dans ces trois choses. Et le reste plus tard. Il y a des autres choses. لكن في البداية concentre-toi ces trois choses. احفظ القرآن. Prends un درس dans la langue arabe et un درس dans العقيدة et avance. Ça va te faire deux درس et le Coran. Et t'avances. قليل قليل. أما tu veux tout d'un coup. Bah, l'ikhwa, il veut, non, mais j'ai envie de faire du fiqh, ouais, j'ai envie de faire du mustalah, j'ai envie de faire du usul. Ya akhi, tu vas dire. On est en train de vous expliquer que petit à petit, l'un, toi, c'est pas petit à petit, tu veux tout faire d'un coup. C'est pas vrai. À la fin, tu vas arriver résultat, ni Quran, tu n'auras pas hafad, l'aqida, tu vas être daif, al-fiqh, tu n'auras pas compris grand chose. À la fin, dans chaque chose, tu seras hazim. Alors que si tu prends la méthode que les ulama disent un petit peu, tu vas arriver au bout d'un an, peut-être que tu auras fait le Coran, tu auras fait beaucoup de livres de Aqida et tu auras avancé la langue arabe. Deuxième année, on rajoute. Maintenant, on remplace l'Aqida par Tawhid. La langue arabe, il a fait beaucoup de nahou, on commence à faire du sarf. Al-Imla, il a akhiri. Le Coran, il continue. Tu vas voir, troisième année, khalas, on remplace l'Aqida par le fiqh. La fiqh c'est mohim. Et on remplace l'arabia maintenant par l'usul. Tu vas avoir 3, 4, 5, 6 ans. Bi'idnillah, il est mutamakkin. il est mutamakkin fil ilm. Amma hakadha, on rentre et on sort, on débute, on finit pas, on commence, hadha la shak, il n'y aura pas une thamara. Même si une thamara elle sera da'ifa jiddan. كذلك من المهم في هذا الباب أن طالب العلم quand il commence un درس il fait attention aux وساوس الشيطان ومن وساوس إبليس في هذا الباب أن الطالب أحيانا il commence un livre et il a déjà l'intention de refaire le livre. Ça c'est un khata kabir. Pourquoi? لأن si tu as l'intention de le refaire, tu ne seras pas à 100% dans ton dars. Mathalan, on va commencer le ma'at l'i'tiqad, nahnu, inshallah, ba'd sifat salat. On va commencer les durus d'aqida. Mathalan, on commence le ma'at l'i'tiqad, anta, tu rentres, et tu te dis, de toute façon, inshallah, je le referai ce livre, pour bien le comprendre. Ça, c'est min wasawis iblis. Pourquoi tu ne le fais pas une fois? Tu fais des efforts, et on n'en parle plus. Tu fais un deuxième livre, troisième livre. Tu vas arriver, mais idnillah, la fin de la silsila, tu auras compris les deux choses. Le ma'at l'i'tiqad, tu peux l'enseigner anta bi'idnillah. Attention à ça. Bah, l'ikhwa, hiyanan, tu lui dis, on l'a déjà vu. Hada. Tu lui fais matalan, ya akhi, tu prends pas de notes. Ou ya akhi, t'as mal révisé le cours. De toute façon, inshallah, je vais le refaire. Allah a'lam si tu vas le refaire. Je sais pas. Hada. Anta l'an, t'es en train de gaspiller ton temps. Et après, le temps, l'âne, mets-le bien, mets-toi à 100%, et bien, on en parle. Vous avez déjà vu un tofi dans l'école de Dunya Hada? Talan, il est à la fac ou à l'école primaire ou la. Mohim, il est dans une classe, il dit, c'est pas grave, je vais redoubler, je ferai bien l'année prochaine. Ah, Batan! Ah, Batan, on faisait. Nous, on faisait pas beaucoup d'efforts, là, ceux qui faisaient des efforts, son but c'était de une année, il passe à l'autre. Il pensait déjà à son diplôme ou là. Pourquoi, fil ilm, on est hakada, on est des fainéants? C'est adib, hada. Tu fais une chose, il a déjà l'intention, je vais la refaire. Ça, c'est une himma de fainéant adim. Il fait une chose et avance, ya akhi. Khassatan, elle écoute mukhtasarat. Wallahi, certains livres qu'on fait, nous, l'an, wallahi, c'est des livres pour les enfants. T'es un adulte, un talib ilm, et ta himma, ces petits livres, tu veux, je vais le refaire. Talamoun, wallah, je connais des tollabs, wallah, des petits livres, 4 fois, 3 fois, 4 fois. Et tu verras, wallah, il peut le faire 10 fois. Vu que sa himma, elle est habita, il comprendra jamais de dars comme il faut. Tu trouves des tollabs, ils ont une himma, ils ont une envie, il est motivé, une fois, mashallah. Tu trouves 3 fois, 4 fois, tu lui poses des petites questions dans le livre. C'est pas. Léana khalas, shaitan, labbas ali. Lui toujours, je referai, je verrai, inshallah, je verrai plus tard. Là, c'est pas ça l'ilm. Salaf, ils étaient comme des lions, fil ilm. Comme des lions, il assiste, khalas, ou à sa vie, c'est pour ça qu'il avance. Qala ibn Badran, rahimahullah. أو عن محمد بن عثمان قال لا ينبغي لمن يقرأ كتابا أنه يريد قراءته مرة ثانية لا ينبغي ويسي هذا قال لأن هذا التصور يمنعه عن فهم جميع الكتاب صحيح لأن لا يغيب هو tranquille dans le dars. Tu lui poses une question, il dit dans sa tête, c'est pas grave, je vais le refaire. Akhi Hada, pourquoi tu viens à Aslan? T'es en train de perdre ton temps. Mais là, dans le kitab, il sait qu'il va le refaire. Et vous ne croyez pas que Shaitan il va le délaisser là. Deuxième fois qu'il va faire le kitab, Shaitan il va venir, il va lui dire, augmente un peu et tu le refais une troisième fois. Troisième fois, quatrième, cinquième, il comprendra jamais le livre. Un jour, il en a marre, il va se dire, ça fait 4 fois que je fais ce livre, je comprends rien, je suis pas fait pour talab ilm, il délaisse. Pourquoi? C'était le début qui était mauvais. Il a commencé, et yani, une tariqa, c'est pas tariqa tahle l'ilm. Qala, rahimahullah, bal yatasawwar annahu la ya'ud ilayhi marratan thaniya abada. C'est ça, al-manhajiyya sahiha, fi hadhihi al-mas'ala. C'est dès que tu fais un livre, in la taniya, c'est que jamais tu le refais. Dès qu'on dit jamais tu le refais, ça ne veut pas dire que tu ne le relis pas, ou les shuruhat, ou tu l'enseignes là. On parle, nous, en tant que talib, tu le fais une fois, bi'idnillah, et ton but c'est de passer au deuxième livre. Dès que tu es au deuxième, c'est de passer au troisième. Bi'idnillah, le jour où tu rouvres ce livre, bi'idnillah, c'est pour l'enseigner. Bi'idnillah. Ou une muraja'a avec un frère. Amma, tous les jours, ou à chaque fois, on refait les mêmes doros, là. Tu vas stagner, c'est pas bon. Khassatan, vous savez, Antum, si tu fais le lum'a. Je te mets à 100%. Tu apprends les nosos si tu peux. Tu rajas, tu prends des notes. Mais idnallah, on a fini le kitab, tu l'as compris. Le prochain livre qu'on fera maintenant, ça sera Alwa Sotiya. Alwa Sotiya, c'est exactement comme le Ma'at al-I'tiqad, sauf qu'il a rajouté des choses. Oh, il a cité des autres dalils. Amma, les deux livres, ils se ressemblent. Fa'anta, même si tu n'as pas compris une chose, ou t'as oublié de ce livre, dans le deuxième livre, ça complète le premier. T'as pas besoin de Iblis et il nous fait stagner Hakada. Là, fais des efforts. Le deuxième livre, et idnallah, tu vas, avec le deuxième livre, tu vas comprendre le premier livre plus. Ou Hakada. T'arrives, dès que tu as fini le livre de Aqida, et idnallah, ça sera très simple pour toi. Voilà. Fattadarruj, c'est muhim jittan. At-tadarruj, c'est muhim jittan les tullab al-ilm. Petit à petit. Brûle pas les étapes, tu vas te faire du mal. Brûle pas les étapes. Petit à petit. Commence, bi-idnillah, et toujours demande conseil. Toujours demande conseil. Les ahyanan, talib, il croit qu'il fait petit à petit, et c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Des fois, il va trop vite, des fois, il va trop doucement. Antada, il me demande des conseils. J'ai fait ce livre, tu me conseilles quoi? J'ai compris ce livre, tu me conseilles quoi? Et ta'alam, on n'a pas tous le même niveau. Tu trouves des frères, ils comprennent plus facilement que des frères. Maintenant, tu peux trouver un frère, il a plus de capacité pour se faire ce livre, et un autre, non, il peut pas. Il a des faiblesses, il a... Enfin, la personne, il demande. Il demande, et bien, il sera à la khayr. كذلك من المهم في منهجية طلب العلم الاستمرار. Quatrième point, الاستمرار. La régularité. Être régulier. Ça c'est مهم جدا. قال الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Cette ayat montre أن المؤمن il doit être مستمر في العبادة jusqu'à qu'il meure. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين c'est le mot, c'est la mort. الآن طلب العلم c'est une عبادة. طلب العلم c'est une عبادة. La personne il doit être مستمر في هذا. طلب العلم c'est pas une semaine, c'est pas un mois, c'est pas un an, أبدا. كما قال الإمام أحمد رحمه الله من المحبرة إلى المقبرة jusqu'à la tombe. Beaucoup de salafs, ils leur posaient la question, il a ma tête à t'lub l'ilm. Ils disaient, il a le qabr. Tant qu'il a un souffle de vie, il est fait l'ilm. C'est pour ça qu'ils ont atteint ces niveaux. L'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, l'imam Malik, pourquoi ils ont atteint ces hauts niveaux? La jeunesse jusqu'à la mort. Tu trouves, et il arrive à un niveau. Amma t'lub l'ilm une semaine, ou un mois, ou six mois, tout le monde il arrête. Il prend une pause. Salaf, il ne connaissait pas de pause sur talab al-ilm. C'est une ibada pour lui. T'as déjà vu un tawahid, il fait une pause dans le salat. Il se dit, pendant une semaine, je vais prendre des vacances, je ne fais plus salat. Fakif talab al-ilm, ça, là, il tassoubour hada. Inde salaf, il ne connaissait pas hada. Abadan, talab al-ilm, c'est sa vie. C'est sa vie. Yadkuroun an waki' rahimahullah, annahu tellement qu'il aime al-ilm. Il ne connaît pas où j'arrête, abadan. Tellement qu'il connaissait l'ilm, il est arrivé à un stade, il n'avait plus les moyens d'acheter de l'encre et d'acheter des feuilles, il a khir. Andur al-salaf. Amma nahnu alhamdulillah khir kathir. On a des cahiers et des stylos à revendre. Houa, il n'avait plus. Tellement qu'il aimait l'ilm, tu crois qu'il a dressé, abadan. Il a vendu khashab beyti. Il a commencé à démonter le bois qui est chez lui, des poutres, des portes, des fenêtres, et il les vend. Hatta, il achète pour continuer fil ilm. Waki' c'est devenu min a'immat al-salaf. Hakada, il vend ce qu'il y a chez lui. Mais on ne demande pas de vendre, vend rien. Esmir faqat, et avance petit à petit. Inch'Allah, tu seras à la paix. Amma, nahnu istamartaba, elle est ba'ida. Elle est ba'ida. C'est pour ça que vous remarquerez la hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Anna, nous, il ne nous éprouve pas, hakada. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبتر المرء على قدر دينه. La personne l'a éprouvé par rapport à son dîn. وكيع il avait un iman قوي من أئمة السنة. Allah il l'a éprouvé حتى il avait plus de quoi écrire et plus de papier. Il avait plus rien. Il a été obligé de vendre le bois de sa maison. أما أنت وأنا vu qu'on a iman il est ضعيف il a on n'est pas éprouvé il a هذا أبدا. لا بد نشكر هذه النعمة et on fait des efforts. عن عائشة رضي الله عنها قالت كما في صحيح مسلم وكان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل ça fait partie de sunna. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le amal, les œuvres qu'il aimait le plus, c'est les amals réguliers, mustamir. Voilà, c'est peu. C'est ahsan que beaucoup et il y a des coupures. Mais Anna, si t'arrêtes, tu sais pas si tu vas reprendre. Ama, celui qui est toujours régulier et un peu, ça c'est important pour Talib al-Ilm. C'est important pour Talib al-Ilm. Vaut mieux un peu. T'as un dars, deux dars et t'es régulier. Que 6, 7 dars, une semaine, deux semaines, après on ne te voit plus. On l'a vu, Ada, on l'a vu Kathira. On l'a vu Kathira. Le wahed, il rentre au début, là, le Hamas. Il est motivé, il a akhiré. Il croit que le ilm c'est hakada. Plus t'es motivé, c'est pas hakada le ilm. La motivation et l'organisation et la méthode. Tu trouves un ikhwa, on les a vus maintenant 5 dars, 6 dars, ya akhi, tu vas où? Dis là, là c'est important. On le sait que c'est important. Lakin, est-ce que toutes les choses importantes tu dois les faire en un seul coup? Abatel. On a déjà dit, il y a important et il y a plus important. Quand tu le trouves 4, 5, 6 dars, une semaine, deux semaines, un mois, il dit ah moi j'en peux plus, il a akhiré. C'est normal. T'es un être humain. T'es un être humain, surtout au début, t'as pas l'habitude. Tu le trouves, il avait le niveau de vie d'un, le train de vie d'un touriste pendant des années, il rentre dans l'ilm du jour au lendemain, sidars. C'est impossible, là. Ton corps ne tiendra pas, t'es un être humain. L'ilm petit à petit, hatta, t'arriveras à patienter sur des choses que t'arrives pas à patienter au début. Amma, celui qui lit tarajim al-salaf fi hadha al-bab, fa yata'ajjab. Celui qui lit la biographie des salaf, le istimrar qu'ils avaient, sarahatan tata'ajjab. Il y a des choses, tu dis comment ils faisaient. Tawfiq min Allah. An Wahb ibn Jarir, an Abi, rahimahumullah, qal, jalastu ila al-Hassan sab'a sinin, lam akhrub minhu yawman wahida, asum wa adhab ilay. Isma' hadha. Isma' hadha, le père de Wahb. 7 ans. Il a assisté au cours de l'Hassan al-Basri, rahimahullah, il n'a jamais manqué un jour. 7 ans. Istimrar. 7 ans. 7 ans. Qal, asum wa adhab ilay. Ma'a hada, il jeûne. Ma'a hada, il jeûne. Tu trouves, al-Salaf, pourquoi ils ont réussi? Deux choses. Al-Istimrar et l'Ibadah, al-Taqwa. Ces deux choses, bi'idnillah, tu arriveras au départ. Amma, al-Taqwa, al-Va'ifa, et il n'y a pas d'Istimrar, tu vas aller où? فالحذر si tu as compris انت ان la régularité c'est مهم جدا في طلب العلم الحذر من الانقطاع او une mosiba qu'on voit beaucoup elle fait beaucoup de mal à طلبه العلم الا من عصم الله سبحانه وتعالى انتقال من درس الى درس او من محفوظه الى محفوظه اخرى tu le trouves مثلا Il est dans le usul talat, tayyib. Il avance, il a une semaine, il laisse. Il dit là, j'ai envie de faire, je veux faire le ma'at li'atiqad. Il rentre dans le ma'at li'atiqad, tfaddal, tayyib. Une semaine, il délaisse, non, j'ai envie de faire salat, c'est important, je dois faire sifat salat nabi. Tfaddal, il rentre, wa hakada. À la fin de l'année, rien du tout. Ni il a fini le premier, ni le deuxième, ni le troisième livre. Qal shaykh ibn al-taymiyyah rahimahullah, la tantaqil min mukhtasar ila akhar bila mujib. Fa hadha min ad-dajar. Ça c'est kalam Cheikh Bakr Abou Zayd rahimahullah fil hilya Cheikh Ibn Taymiyyah il va l'expliquer la tantaqil min mukhtasar ila mukhtasar bila mujib ça c'est nasihat ahl al-ilm ne change pas ne quitte pas un dars pour aller vers un autre bila mujib sans raison valable il peut avoir une raison tu es rentré dans un dars un jour deux jours tu savais tu avais pas compris que ce dars c'était ce genre de livre tu croyais que c'était plus simple ça fait hadha al-hal un jour deux jours là Bah, tu demandes autorisation au mudarris, akhi, afwan, yani je vais kada, tu lui expliques, et lui va t'orienter vers un autre dars. Alhamdulillah. Amma hakada, une semaine, deux semaines, trois semaines, bah, il croit un mois. Thumma, il part, il va, on sait même pas, il va où. Hada, ça fait du mal à Talib al-Ilm jiddan. Qala, Cheikh Ibn Uthaymeen, at-tanaqqul min mukhtasar ila akhar au kitab, fawqa al-mukhtasar ila akhar, hadhihi afatun azima. Al-afa, c'est un mal. Cheikh Ibn Uthaymeen l'a qualifié ce mal de azim. Mais là, Cheikh Ibn Uthaymeen a de l'expérience. Cheikh Ibn Uthaymeen, 40 ans, 50 ans, 60 ans fait l'ilm, rahimahullah. Et puis qu'il est jeune, il est mort, ta'lamoun, il est mort vieux. Rubbama, 60 ans, il est fait l'ilm. Il a vu des choses, ouais. Et il sait que ça fait beaucoup de mal aux étudiants. Il rentre là, il sort là. Qala, taqta' ala talib talabuh, wa tudayi ala talib awqatuh. Sahih. ça va deux choses. Ça va nous couper son rythme et deuxièmement, il va dire. Il va délaisser. Il va délaisser l'ilm, c'est pas hakada. À la fin, ouais, il va penser que l'ilm c'est trop dur, ou c'est trop lourd. Il n'a pas fini hada, il n'a pas fini hada. Enfin, shaitan, il peut le pousser, il délaisse tout. Wal'iyadu billah. Qala Cheikh Al-Uthaymeen, kullu yawm lahu kitab. Kullu sa'a lahu kitab. Hada khata. Sahih. Tu trouves un akh, lundi, il est dans l'ouastiya. Mardi, tu le trouves tahawiya. Mercredi, il est dans le fiqh. Hada, il goûte l'an, c'est pas ça l'ilm. Ou un jour il commence, il fait l'arba'in nawawiya, il n'a pas fini. 10 hadiths, il délaisse. J'ai envie d'apprendre l'amdat al-ahkam. 20 hadiths, il délaisse. Ouah, kada. Shaitan, il y a l'abbeh. Al-hadar. Al-hadar. Oublie jamais que cette ni'ma ou que t'es shaitan, il fait tout pour te l'enlever. Oublie jamais, hada. Oublie jamais. Et shaitan, il a une tariqa avec talabat al-ilm. Beaucoup shaitan, il fait du mal talabat al-ilm avec l'organisation et la méthodologie. Beaucoup. Beaucoup. Le but, ouah, c'est que tu délaisses. Fa, ntabe, préserve cette ni'ma. Qala, idha azamta, toujours kalam sur le taïmin, idha azamta an yakun qararuk al-kitab al-fulani fastamir. La taqul aqra faslan fi hadha al-kitab, thumma yaqul antaqil ila akhar, fa hadha madhi'atun lil waqt. Sahih. Sur le taïmin, il te montre, tu rentres dans un kitab, sbir. Alhamdulillah, les taureaux qu'on fait, on a vu le fruit avec les frères qui se tabouent. Il rentre, il lâche pas, hatta il finit. Un deuxième, troisième, tu le trouves à la fin, alhamdulillah, il est à la khair. Et on a vu ce que, une semaine il est là, un jour il n'est pas là, un mois on ne le voit plus. On a vu, hada. C'est mohim. Kadhalik, une musiba ukhra qui fait beaucoup de mal aux étudiants, at-taswif. At-taswif, ça vient de saufa. Saufa af'al, ou sa af'al. Aïssi. Ça fait beaucoup de mal, talabat l'ilm. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna law tafta amal al-shaytan. Shaytan, il vient min adalbab, ya akhi, tu le dis matalan, ya akhi, c'est important pour toi que tu apprends à écrire. C'est muhim diddan, comme on va voir. L'écriture. L'écriture, elle t'ouvre le bab de l'ilm. Si tu ne sais pas écrire, tu vas assister à des dourous, comment tu vas noter? Une des premières choses que Talibin commence, c'est à écrire. Un khatwadih. Et il s'habitue à écrire, comme ça il prend les notes assez vite. Kadalik al-imla. Al-imla, c'est l'orthographe. Ah, ça c'est mohim. Maintenant, tu conseilles wahad. Tu le dis, ahi, kada, kada. Shaitan, il l'attaque mubashara. Je verrai. Inch'Allah, si j'ai le temps, je le ferai dans deux mois. Si j'ai. Ya ahi, c'est mohim, tu dois le faire tout de suite. Nafs al-shay, apprends ta aqida, non, inshallah plus tard, là, si j'ai le temps, je ferai si. À la fin, tu trouves, voilà, shay. Shaitan, il lui a donné son waqt. Enfin, t'as fait attention. Et tu dis bien, le manhajia qu'on est en train de faire, la méthodologie, une fois que tu l'as compris, fais. Sois régulier. Corrige ta niya jour après jour, et sbir, tu seras à la khair. Et si, laisse-les de côté. Saufa. Ça, mais l'autre côté, l'annahu, al-shaytan, il fait beaucoup de mal au talaba min hadha al-bab. Qala ibn Jama'a, rahimahullah, fi al-tadhkira, qala an yubadir, kalam tawil, thumma qala, an yubadir awqat umrihi ila al-tahsil, wa la yaghtar bi khad'i al-taswif wa al-ta'mil. Ibn Jama'a, il donne un conseil, la taghtar, ne te fais pas avoir par wasawis iblis, minha al-taswif. Je ferai. Ma tadri, combien de temps tu vas vivre. Tu ne sais pas si un jour tu auras la force de gada. Al-an, Allah est tawaffaq pour talab al-ilm. Fais l'essentiel. Fais le plus important. Commence par le début. Tawakkal ala Allah. Et incha'Allah, tu seras à la khayr. Qala al-fayruz abadi rahimahullah. Fi basair dawi al-tamiz. Qala wa'alam anna ala kulli khayr mani'an. Fa'ala al-ilm mawani' wa an l'ishtighal bihi awa'iq. Sahih. Chaque khayr. Comme il nous dit Al-Fayrouz Abadi, il est connu, Rahimallah, Sahib Al-Qamous. Al-Qamous, c'est celui qui l'a écrit, c'est Al-Fayrouz Abadi, min talamid ibn Hajar, Rahimahullah. Il te montre que chaque khayr, il a des obstacles. Ça, c'est toujours. Talabu al-ilm, c'est un khayr azim. Tu trouveras qu'il a des obstacles. Alhamdulillah, on avait fait une kalima fi hada. On avait fait une kalima awa'iq talab al-ilm. On les avait expliqués en détail. Minha, parmi ces obstacles, qu'elle. الوثوق بالزمن المتصل وانفساخ وانفساخ الأبد في ذلك أي أن طالب العلم tu lui dis مثلا fais ça il pense que il a encore du temps tu lui dis مثلا toi je te conseille tu commences par كذا الشيطان هو اللي وسوس il dit أنا j'ai du temps je ferai ça dans 10 ans dans 5 ans qui c'est qui t'a dit que t'allais vivre qui c'est qui t'a dit que t'allais encore طلب العلم qui c'est qui t'a dit que t'allais avoir la force de faire cette chose même là si c'est important fais-la tout de suite قال رحمه الله ولا يعلم الإنسان أنه إذا انتهز الفرصة وإلا فاتت وليس لفواتها قضاء البتة الآن تموت أن tu sais pas si tu vas pouvoir refaire cette chose et tu sais pas si tu la fais pas maintenant est-ce qu'un jour tu pourras la rattraper ما تدري هذا ما تدري فلا personne طالب علم il commence par l'aham si c'est important et tu dois le faire tu le fais tu le fais et tu repousses pas ce qui doit se faire l'aham là كذلك من المهم et c'est le cinquième point je vous répète les points le premier point c'était l'ikhlas sincérité at-taqwa le deuxième point ikhtiyar al-muallim as-sunni as-salih choisir un professeur qui est à la khayr troisième point ce qu'on a vu aujourd'hui at-tadarruj petit à petit Le quatrième point, al-istimrar, la régularité. Cinquième point, al-hifd. Al-hifd, la mémorisation, l'apprentissage par cœur. Ça, c'est min aham ma yakoun li talib al-ilm. Et on voit un taqsir kabir fi hada. Li'anna al-ilm, c'est basé sur deux choses. Al-hifd ou al-fahd. T'as deux choses. T'as l'apprentissage par cœur et la compréhension. Talibul ilm, il ne doit pas faire que du hifd et il ne comprend pas. Et il ne doit pas faire que le fahd et il n'a rien hifd. Là. Tajma'a baynahuma. Tahfad et tu comprends. T'apprends par cœur et tu comprends ce que t'as appris par cœur. Fal'inaya bil hifd. Khassatan al-Qur'an. Khassatan al-Qur'an, c'est kalamullah azza wa jalla. تبيانا لكل شيء وصفه الله عز وجل بأنه تبيانا لكل شيء فتبدأ بالقرآن قال الشيخ سعدي رحمه الله يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه يشتغل فيها فإن تعذر أو تعسر حفظه لفظا فيكرر كثيرا متدبرا لمعاني إلى آخره الشيخ سعدي الآن رحمه الله يتمط أن طالب العلم يجتهد في حفظ مختصر من المختصرات ça c'est مهم أي quand tu commences une matière on va donner l'exemple toujours de العقيدة on va commencer العقيدة فأنت tu prends Tu vas faire des doros de aqida. Al-an, ces doros, ça va être de la compréhension, de l'explication. Kadhalik, si tu veux bien comprendre le fun, t'apprends un mukhtasar dans ce bab. T'apprends une petite risala dans cette matière. Cette risala, comme il va nous expliquer Cheikh Saadi, ça va être la base de ton ilm. Tout ce qui vient après, tu vas le mettre sur ce mukhtasar. Maintenant, t'apprends le wasitiyya. Min ahsan ma yuhfad fil aqida, c'est le wasitiyya. Choisis un des deux. Al-an, t'as appris par cœur le wasitiyya. Tu vas avoir des dalils, des adillah. Sur kada, sur kada, sur kada. Tout ce que tu vas faire dans l'aqida, tu vas le fonder sur ce matin, toi. Et là, tu vas avoir des bases. خاصة الواسطية تعلمون شغل الإسلام لتيمية إلى ستي كده الشوف مجمع عليها عقيدة السلف فأنت الآن سوف أنغاجو أنغاجو تشوف أفوار كبود كلك زاني تغا نيفو طيب في العقيدة أما بعد متن إلى بروبا هكذا إلى أسستان كور إلى كومبري سرطان شوز tu lui demandes le moindre dalil comme on a déjà vu et vous avez vu le moindre dalil dans العقيدة t'apprends que Allah سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام Allah, il parle. C'est quoi le dalil? Si tu n'as pas fait ce tariqa, peut-être qu'un dalil aussi simple que celui-là, tu ne le connaîtras pas. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a deux mains. C'est quoi le dalil? Tu le sais, tu as fait le dalil. Lakin, si tu n'as pas de hifd, peut-être qu'une chose simple, hakada, tu n'as pas. Et ça montre que tu n'es pas un talib ilm. Ou tu es un talib ilm va'i. Lianna, l'ilm, c'est les adillah. Tu vas essayer de convaincre une personne. Il a une chouba. En Allah, il a deux mains. Tu vas lui parler, il peut te demander, bah, prouve-moi qu'Allah, il a deux mains. Toi, tu vas dire, je fais des doros. Là, là, là. Qala Allah, qala Rasoul. T'es obligé, Béa. Bah, ça vous montre l'importance de Had. Perds pas ton temps, Ayyuhat Talib, tu regretteras. Si des années, t'as pas de hifd, Wallah, tu regretteras. Tu vas voir que ton ilm, il va être daïf. Tu vas voir que ton ilm va être daïf, dit-elle, si t'as pas de hifd. Qala Sheikh Saadi, rahimahullah. Il a le bah que si tu peux pas, la personne il est daïf, au moins tu répètes. Maintenant, une personne il n'arrive pas à faire de l'ouastiyya. Maintenant, l'ouastiyya il n'arrive pas, il a hif daïf. À l'aqal, il le répète. Il le répète, il le répète, il le lit souvent, souvent, souvent. Il y a des choses qui resteront. Hada, c'est pour celui qui peut pas. Mais celui qui peut, là, il m'a nafsa min hada al-khay. Qala, rahimahullah. قال حتى ترسخ معاني في قلبه ثم تكون بقية الكتب كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. الآن شيخ سعدي تموت كسمتن ce petit livre que t'as appris par cœur, tout ce qui vient après ça va compléter, ça va compléter ta الواسطية مثلا par cœur تحوية تدمورية, tout ce que tu vas faire après ça va te compléter, ça va t'élargir tes connaissances dans ce matin. C'est ça طريقة أهل العلم. الله فإن الإنسان إذا حفظ الأصول صار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها. صحيح. Si tu prends cette méthode, tu verras que tous les livres que tu vas faire après ça va être très simple. Maintenant tu as des أصول, tu as des bases. Tu arrives maintenant, tu fais شرح التحاوية. شرح التحاوية c'est beaucoup plus large que le الواسطية. شرح ابن أبي العز. Maintenant tu vas trouver lui, il va détailler في مسألة الكلام. كلام الله. Il va détailler. أنت الآن t'as un أصل. Tu connais les adillah, tu connais la mas'ala. Alors, la tahawiyya que tu vas faire, elle va t'élargir tes connaissances. Faqat. Amma ba'alou qu'une personne, il arrive sur la tahawiyya, il ne connaît rien fi mas'ala de kalam. Il n'a pas de dalil, il a oublié, il n'a pas de hifd. Ça va être très lourd pour lui. Ça va être très lourd. Alors que celui qui a hifd, tout ce qu'on va voir maintenant, tout ce que vous allez voir dans sur la tahawiyya, tu l'as vu avant. Sauf que dans sur la tahawiyya, il va élargir. Faqat. C'est-à-dire Foulan il a dit, Foulan il a dit, les Mubtadi'a ils ont dit, Foulan il a khalaf, faqat. Amma la mas'ala, c'est la mas'ala. Kalamullah, c'est Kalamullah, c'est les mêmes dalil. Il va rien te rajouter dans ta hawiyya, abatan. Lakin avec cette méthode. Qala Sheikh Saadi, wa man dhayya al-usul, hurrima al-usul. Celui par contre, qui n'apprend pas ses usul, ses bases. C'est base dans le tawhid, kitab tawhid il apprend. Dans l'aqidah, al-wasitiyya ou al-tahawiyya. Dans le fiqh, il apprend amdat al-ahkam. Celui qui dayya ses usul, hurrim al-usul. Al-usul c'est les bases, al-usul c'est l'arrivée. Celui qui est privé de ses bases, il n'arrivera jamais. Il y en a, il n'a pas les outils, il n'a pas les provisions qu'il faut. وقال كذلك الشيخ سعدي ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة أي كلا سيتي dans chaque matière t'apprends maintenant par cœur. قال النافع فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالمشاهدة والتجربة. الشيخ سعدي il te montre là celui qui prend pas ou qui suit pas la méthodologie correcte. قال رحمه الله لم يدرك إلا العناء. العناء c'est التعب. Il aura que la fatigue. Sahih. Des années il va arriver, la fatigue. Il n'aura pas retenu grand chose et il pourra tout délaisser. Wa l'ayyadu billah. Et comme a dit Cheikh Saadi, hada ma'rouf bil mushahada. Hada c'est ma'rouf, tu le vois et tu l'entends. Wa qala Cheikh Ibn Taymiyyah fi mas'alat al-hifd qala 'ilmun bila hifd ou ay 'ilm bila hifd yazul sari'an. Ça c'est ma'rouf ça. Où il n'est pas basé sur du hifd, très vite ça part. Très vite ça part. Prends maintenant un hadith que tu connais par cœur. Tu connais par cœur. Innama al-a'malu binniyat, tu le connais par cœur. Tu connais l'explication. N'importe quel moment, tu pourras expliquer ce hadith. Là, tu le connais par cœur et tu as compris. Ma baluka hadith anta. T'as entendu parler d'un hadith, tu te rappelles plus c'est quoi ce hadith. Comment tu vas l'expliquer, tu connais pas le hadith. Min ayn hada. Hakada al-ilm. Hakada al-fiqh, hakada al-aqida, hakada al-mustalah, al-usul, al-tafsir. Tout ça c'est basé sur al-ilm. Subhanak Allah wa bihamdik, shadu ala ilm. Demain à la semaine.